Mufasa, the bad producer. J'ai le mort. Mais je te charasse, les crocs j'asserre. À ce qu'il t'es parti, j'ai grave pris du bif. Je fais pas gaffe à eux, ils prennent grave le seum. J'ai cassé ma cime, mais quand tu parles t'assumes. C'est ballot tout ça, quand je les vois je le sais. Des taf, on t'a vu tousser. Le 8-5 tu cabres, c'est rare que je suis sobre. Mon quartier fait le taf, c'est vif comme la fibre. La fumée nos codes des apaches. Dans le bloc je suis couvert d'une capuche. Que Dieu leur pardonne quand ils pêchent. Pour ma part c'est la merde, c'est la dèche. J'ai toujours fait le taf, pas de l'école. Conquête sur conquête, du crack en stock. Ça varie, moi j'ai tout dans le fut. 2-3 blocs, moi j'ai ça dans le fut. Une tempête c'est que j'agace les flics et je suis irrattrapable quand ils sont à pattes. Dis-moi t'as capté où, faut que je répète. Elle a bougé son cul devant moi, rabatte. Dis-moi le faut-il que je répète. Là tu vides la bonbonne et tu te casses du bat. Prod, varitas, gants, police, ta mère, 17 fuck, P7 as, ta cocu, pue la merde, tu le sais. Drogue, varitas, gants, police, ta mère, 17 fuck, P7 as, ta cocu, pue la merde, tu le sais. J'ai la copo du genre 5-5-5, les clients me disent tanks, repasse tard plus. On cherche que la monnaie masta, et vesti la peuse tu. Là je suis pas ton passe-temps, et a dit je suis posté. Frappe demi-volée que des shoots, c'est décidé. Et ton sac on va vider, faut nous parler que de maille. Pète tout ta payboy, chez nous paye. T'as reçu dans un playboy, chante en coin-coin. Fais des rêves de baiser, je vois Jacques Chirac dans ma cuisine. Vente de mort, les cons des tirs à bout. Pourtant c'est pas la même. Mec c'est rien, la rue c'est sale. On fuck les sourds et job tes sœurs. L'épicerie vente de ta gasserie. Des schlacks, des seringues, la cam dans le froc. Fusil d'assaut, détends sur tes pinces à mes paluches. Le 17 me qui est bleu au tournant. De toute façon c'est leur fille qu'on fait tourner. Tourner et tourner, faudra bien s'entourer. Cadet sur le tech, W à les ventes. Y'a des sirènes qui volent, y'a des grillés qui viennent. C'est drogue, varicas, gants, police, ta mère, 17 fuck, P7 as, ta cocu, pue la merde, tu le sais. Drogue, varicas, gants, police, ta mère, 17 fuck, P7 as, ta cocu, pue la merde, tu le sais. Mufasa.